Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Réjouissance monarchique, joie publique, oh la belle rouge, oh la belle verte, un feu d'artifice est tiré le 7 septembre 1729 pour l'heureux accouchement de la reine et des réjouissances que l'on fera dans la ville de Paris sur la naissance du dauphin. Ce dauphin-là est Louis de France, le fils de Louis XV et de Marie Leszinska. Une petite plaquette, quelques pages seulement, explique ce feu d'artifice. L'amour que les Français ont dès le berceau pour le roi les porte naturellement à se réjouir des heureux événements qui lui surviennent, comme celui de l'accroissement de la famille royale. Le feu d'artifice fut sans doute sublime. Ce dauphin-là ne fut jamais roi, mais il fut le père de trois souverains, Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, des rois à qui les Français ont témoigné d'une toute autre manière leur attachement. Pauline Valade, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'une réjouissance monarchique au XVIIIe siècle ? Alors, les réjouissances monarchiques, pour le dire simplement d'abord, ce sont toutes les festivités qui sont décidées par la monarchie, par le souverain, qui sont décrétées par la suite par toute une série d'institutions, dont le Parlement, la Maison du Roi d'abord, le Parlement, et qui vont être organisées concrètement par les autorités urbaines de la ville et du Châtelet. Chaque réjouissance est organisée logiquement pour tous les événements heureux de la couronne, que ce soit, comme vous venez de le citer, la naissance d'un dauphin, a fortiori, les autres enfants royaux sont aussi célébrés, une convalescence royale, une victoire militaire, une paix, tout ce qui permet de consolider la couronne, de pérenniser l'état des Bourbons, en l'occurrence au XVIIIe siècle, est un objet de réjouissance collective et donc publique dans toutes les villes du royaume, mais en particulier à Paris. Si nous réfléchissons au lieu de la décision, c'est à Versailles. Nous sommes au XVIIIe siècle, c'est à Versailles que l'on décide qu'à Paris, il va y avoir des réjouissances. Tout à fait. C'est un ordre qui est donné par le souverain. Dès l'événement, en fait, dès que l'événement survient, il y a tout un processus légal sur lequel on pourra revenir qui exige quelque part cette organisation quasi instantanée, enfin, ou du moins dans la mesure du possible, entre l'événement et les manifestations de joie dans la capitale. Donc toujours la décision part de Versailles, puisque la joie publique, comme toute émotion publique dans l'espace public parisien, doit être encadrée par la monarchie, par les institutions policières aussi. De la même manière, un petit peu, on pourrait faire le parallèle entre les exécutions publiques qui sont exigées par le roi, organisées par ces mêmes institutions. Eh bien, la joie publique est aussi commandée quelque part par la monarchie, par le souverain. Pourquoi à Paris ? Pourquoi n'organise-t-on pas les réjouissances à Versailles, au plus près du souverain ? Alors, on organise, c'est là où il y a une petite subtilité sémantique, on organise à Versailles des fêtes, qui sont des fêtes curiales, où il s'agit surtout de célébrer une certaine idée du souverain. Pour autant, les réjouissances vraiment concernent les sujets de Sa Majesté. Donc là, il s'agit vraiment de faire intervenir, de mettre en scène une joie publique à destination des Parisiens, de tous les sujets de manière générale, hein, mais des Parisiens. Donc là, c'est vraiment, les réjouissances, c'est aussi un moment qui permettent de resserrer les liens entre le roi et ses sujets. Et donc c'est pour ça qu'on prend beaucoup de précautions pour les organiser. Mais c'est un événement qui est officiel, institutionnalisé aussi, concrètement, qui est à destination des sujets. Donc ça se fait à Paris. Le goût de la joie, réjouissance monarchique et joie publique à Paris au XVIIIe siècle, c'est l'ouvrage que vous publiez, Pauline Valade, chez Champvallon, avec eh bien ce processus qui est drôlement intéressant parce que vous décortiquez en fait le cheminement, la décision. Alors je ne sais pas, moi, prenons une naissance, parce que ça c'est prévisible, une naissance, oui. A priori, après la grossesse, il va y avoir la naissance. Comment s'organise cette prise de décision ? Alors, vous parlez de la naissance d'un dauphin. Effectivement, toutes les naissances sont prévisibles. Néanmoins, il y a toujours un ajustement de dernière minute parce que si naît une fille, les réjouissances seront beaucoup moins belles, beaucoup moins grandioses que si naît un prince, pour des raisons politiques qu'on peut comprendre. Et alors, finalement, dès que la naissance survient, le roi théoriquement va ressentir de la joie. Et je dis bien, c'est une joie théorique. Une joie de convenance presque, Et à partir de là, des courriers vont circuler entre Versailles et Paris pour informer de cette nouvelle. Et l'information se double immédiatement d'une communication de l'information. C'est-à-dire qu'on donne la nouvelle, mais il faut tout de suite, de manière instantanée, la mettre en scène. Donc il y a vraiment une politique de communication, comme on dirait aujourd'hui. À partir de là, le roi rédige une lettre, ce qu'on appelle une lettre royale, et le processus va être légalisé par la maison du roi. Cette lettre va tout de suite arriver auprès de la cour du Parlement, qui va créer un arrêt parlementaire pour encadrer et pour légaliser, décréter cette joie publique. Ces magistrats vont par la suite recevoir les deux institutions urbaines de Paris qui vont prendre en charge l'organisation de ces réjouissances, à savoir le préau des marchands, donc le bureau de la ville, et puis d'autre part le lieutenant général de police avec la police du Châtelet. Ces deux instances, préau des marchands et lieutenant général de police, vont créer ce qu'on appelle des ordonnances. Et ces ordonnances, comme le nom l'indique, c'est sa valeur de loi, mais d'encadrement aussi de tous les gestes, de toutes les pratiques des réjouissances qui vont être autorisées pour les Parisiens. Donc à partir de là, on a cette information et cette communication de la joie qui va être mise en scène. Le processus est un petit peu vertical. Il arrive de Versailles, de la maison du roi, puis des institutions parisiennes. Et puis petit à petit, cette information et les ordres vont parvenir dans les quartiers de Paris. Par exemple, on va avoir dans chaque quartier des commissaires de police qui vont lire l'ordonnance, qui vont aussi manifester cette information et inviter les Parisiens à manifester leur joie. Par exemple, concrètement, les commissaires circulent dans les quartiers avec une petite sonnette de manière à, encore une fois, inviter les Parisiens à appliquer les termes de l'ordonnance, donc illuminer leurs fenêtres, faire un feu de joie devant leurs portes, balayer tout ce qui peut prendre feu, etc. Et puis surtout, venez voir le feu d'artifice sur la place de Grève parce que ce sont vos acclamations qui sont attendues. Eh bien justement, nous allons place de Grève. Le 8 août 1682, on y tire un feu d'artifice en l'honneur de la naissance du duc de Bourgogne. En 1748, une marche cérémoniale est organisée par Louis XV pour la publication de la paix d'Aix-la-Chapelle, un des pactes les plus honteux que la France ait jamais conclu. La cérémonie est suivie comme toujours d'un magnifique feu d'artifice. Et quelques mois plus tard, on brûle les œuvres de deux hérétiques, histoire de se garder la main. Et l'on tire de nouveaux feux d'artifice. Ces deux sortes de distractions étant fort goûtées de la population parisienne. Le 21 janvier 1782, la ville de Paris offre un festin à leur majesté pour la naissance du dauphin, le futur Louis XVII. Et la fête se termine naturellement par le traditionnel feu d'artifice. Alors sur l'ORTF en 1969 est présentée la place de Grève. A priori, ce dauphin né en 1780, fêté en 1782, n'est pas le futur Louis XVII, c'est l'aîné, oui. Celui qui meurt au moment des états généraux en 1789, mais en tout cas la fête est là. Et pourquoi la place de Grève particulièrement? Il y a peut-être d'autres endroits à Paris, mais d'autres sont peut-être utilisés aussi. Je pense à ce que nous appelons aujourd'hui la place de la Concorde. Oui, alors... Au départ, la place de Grève est utilisée pour des raisons juridiques parce que le bureau de la ville, la municipalité parisienne, a juridiction sur la Grève et sur les quais de Seine. Et étant l'administration au service de la royauté à partir des années 1730, elle a en charge d'organiser ses réjouissances et donc elle le fait dans l'espace où elle a juridiction. Il y a beaucoup de critiques à l'époque, au cours du XVIIIe siècle, sur le fait que c'est cette place-là qui est utilisée. Louis-Sébastien Mercier, par exemple, explique que c'est une place extrêmement laide. Et puis, il y a quelque chose qui va beaucoup choquer les chroniqueurs, et c'est une remarque qu'on pouvait sans doute se faire à Paris, c'est que... Il y a aussi cette ambition monarchique de contrôler les émotions de la population. Et donc, sur la place de Grève, c'est un haut lieu d'exécution, la place de Grève. Et donc, finalement, ça crée une hybridité spatiale, à savoir, sur la place de Grève, on exécute, on crée de la peur, on crée de l'effroi, mais en même temps, c'est là où le monarque est capable de créer de la joie et de réjouir ses sujets. Donc, c'est cette confusion... spatiale, cette confusion un peu des émotions, parce que quelquefois les réjouissances suivaient à quelques semaines d'intervalle une exécution. Je pense que c'est cette confusion un peu des émotions qui permettait à la monarchie de rappeler sa présence, de rappeler la présence de l'État au cœur de la ville et de rappeler la force de persuasion qu'elle avait sur... sur ces sujets. Alors Pauline Valade, à vous écouter, nous comprenons bien que ces réjouissances ne sont pas tellement spontanées, ce ne sont pas des choix spontanés. Il y a obligation d'y assister, ça c'est oui. Très fort quand même. Hein. Ça, sinon, c'est quoi ? Punition ? Amende ? Alors, c'est une très bonne question parce que je n'ai jamais trouvé de réponse claire et statistique dans les archives de police. Jusque dans les années 1730, certaines ordonnances de police dont je parlais tout à l'heure expliquent que si on n'illumine pas ses fenêtres, même avec quelques gouttes de cire dans une coquille d'escargot, si on ne met rien sur les fenêtres, on risque une amende. Pour autant, je n'ai jamais trouvé ces amendes dans les registres de police, donc... Je pense que ça montre aussi plutôt une ambition policière d'encadrer au plus près les gestes et les pratiques de la joie sans forcément que la police ait les moyens de surveiller tout le monde et de mettre des amendes. Si on ne participe pas à ces réjouissances, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, pas grand-chose en fait. C'est ça le paradoxe. D'une part, alors, il faut quand même souligner une chose, c'est que c'est quand même très rare au cours du XVIIIe siècle que les gens n'aillent pas se réjouir, tout simplement parce que c'est un moment où il y a des fontaines de vin, on nous jette du pain, du cervelas dans des buffets de distribution, on va danser, bon, pourquoi s'en priver ? Et puis, d'un autre côté, la population... Il y a des feux d'artifice. Il y a des feux d'artifice, oui, qui représentent toujours l'apothéose du spectacle, et puis qui montre aussi le monopole de la poudre qu'a la royauté à ce moment-là. Donc on y va parce que c'est beau, parce que c'est sublime, et ça toutes les sources le disent. Et dans les archives de police d'ailleurs, on retrouve dans certains discours attrapés par les mouches dans les cafés, comme quoi le feu d'artifice, on peut pas le rater, parce que c'est un moment assez fort qui suscite souvent des acclamations. C'est un moment festif, le feu d'artifice est essentiel pour oui. Une réjouissance publique. C'est aussi quelque chose, un spectacle offert à la population. La population le vit ainsi ? Oui, elle le vit ainsi, d'autant qu'au XVIIIe siècle, de plus en plus, et notamment à partir de la guerre de succession d'Autriche, dans les années 1740, la maison du roi choisit, donc à Versailles, choisit justement de changer le programme de décor en fait des feux d'artifice. Il faut s'imaginer que les feux d'artifice au XVIIIe siècle ne sont pas du tout ce qu'on connaît. On a un décor en 3D qui permet justement de mettre en scène le récit de ce qu'on est en train de fêter. Par exemple, pour une victoire militaire, on va créer des panneaux de bois et de carton sur lesquels on va dessiner des soldats, des prises d'armes, des sièges de villes qui ont été récemment conquises, etc. Et donc, avec les déflagrations des feux d'artifice derrière, c'est un véritable spectacle de son et lumière qui se veut de plus en plus pédagogique. Donc, en fait, on va plus assister forcément à un spectacle où on va mettre des figures mythologiques auxquelles la population très souvent ne comprend strictement rien. On se veut pédagogique et on veut faire quelque chose de réaliste. Donc c'est un moment, c'est un peu le paroxysme de la politique de communication où là, on comprend qu'il s'est passé quelque chose d'important et donc on va acclamer parce qu'en plus c'est très beau. Et en plus c'est un spectacle lié à l'émotion du roi et ça c'est fort, oui. Hein. Joindre sa propre oui. Joie à celle du roi. Oui, aujourd'hui il y a de la joie. Il y a de la joie. France Culture. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Le cours de l'histoire. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Xavier Maudieu. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Nous parlons de joie, de bonheur. Ah, d'émotions. Et justement, ce 18e siècle est un siècle d'émotions au sens où l'on réfléchit aux émotions. Guilhem Farrugia, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui porte sur le bonheur. Bonheur et fiction chez Rousseau, publié dans les classiques Garnier. Quel est ce bonheur auquel réfléchit Rousseau ? Alors, le bonheur tel que Rousseau le définit est en effet un état, une situation telle qu'on en désirerait la durée sans changement, donc un état de satisfaction qui se caractérise par le fait qu'il est durable et qu'il est un sentiment intérieur et continu, donc qui peut s'opposer au plaisir parce que le plaisir est une sensation, alors que le bonheur est un sentiment, et le bonheur nécessite un état, une permanence. Et par conséquent, il se distingue du plaisir puisqu'il est plus durable. Il se distingue de la joie aussi. Et effectivement, le bonheur est un sentiment, la joie est une émotion. Et donc, on peut adopter à la fois ce critère temporel, hein, la joie est passagère alors que le bonheur est durable. Critère de mesure, le bonheur est intense, la joie est peut-être plus clairsemée, plus faible. Et le bonheur est effectivement un sentiment, alors que la joie est une émotion, c'est-à-dire quelque chose qui est en même temps corporel, réflexe, involontaire. On pourrait aussi ajouter un critère de visibilité. Le bonheur est imperceptible, il est blotti dans l'intériorité, il est opaque. La joie est ressentie dans l'intériorité, c'est une émotion profonde, mais elle tend à se manifester. Par conséquent, on peut opposer les deux notions de ce point de vue-là. Et c'est d'ailleurs en cela que la joie publique est vraiment compatible avec cette réflexion sur la joie et le bonheur. Pauline Valade, la joie doit se manifester. Les gens doivent montrer qu'ils sont heureux, simplement par leur présence déjà. Oui, absolument. Ce que vous disiez sur la distinction entre sentiment et émotion, c'est quelque chose qui est très prégnant dans les sources, mais aussi dans les traités, les chroniques de l'époque, puisque la royauté cherche à offrir du plaisir, de la joie, une émotion aussi fugace puisse-t-elle être, il faut qu'elle se manifeste. C'est aussi une vision qu'ont les élites de la population parisienne, du menu peuple, du petit peuple, comme on disait à l'époque, à savoir que le peuple n'est pas rationnel. Il est tout dans l'émotion, il est tout dans le corporel. Donc il y a une vision élitiste derrière qui est, qui évidemment est discutable, mais qui est très très forte à l'époque. Et c'est pour ça qu'on offre à la population des plaisirs corporels, que ça passe par la boisson, par la nourriture, par le visuel aussi. Il faut que les réjouissances soient sensorielles. Il faut créer une synesthésie sensorielle pour que les gens puissent baigner dans un état de plaisir pour le roi. Et évidemment, tout l'intérêt de ces réjouissances, du moins c'est ce qui est attendu et surveillé par le pouvoir, c'est que cette joie doit être manifestée par des acclamations, par du bruit. C'est une période aussi où on va encourager, même si on n'y met pas forcément les moyens, les gens à boire. On encourage ou on idéalise un peu l'ivresse, parce que plus je bois à la fontaine du vin sur la place de Grève ou dans les carrefours, plus finalement j'aime le roi, et donc je le montre. Et ça, c'est quelque chose qui fait sourire, mais c'est quelque chose qui est attendu. Et tous les sens sont mobilisés, oui. Nous l'entendons bien. Hein. Il y a le visuel du feu d'artifice, le boire, le manger, la musique, évidemment. Et au milieu de cette joie publique, tiens, voici un promeneur solitaire. Le bonheur est un état permanent qui ne semble pas fait ici-bas pour l'homme. Tout est sur la terre dans un flux continuel qui ne permet à rien d'y prendre une forme constante. Tout change autour de nous. Profitons du contentement d'esprit quand il vient. Gardons-nous de l'éloigner par notre faute, mais ne faisons pas des projets pour l'enchaîner, car ces projets-là sont de pure folie. J'ai peu vu d'hommes heureux, peut-être point, mais j'ai souvent vu des cœurs contents. Et de tous les objets qui m'ont frappé, c'est celui qui m'a le plus contenté moi-même. Le bonheur n'a point d'enseigne extérieure. Pour le connaître, il faudrait lire dans le cœur de l'homme heureux. Mais le contentement se lit dans les yeux, dans le maintien, dans l'accent, dans la démarche, et semble se communiquer à celui qui l'aperçoit. Est-il une jouissance plus douce que de voir un peuple entier se livrer à la joie un jour de fête, et tous les cœurs s'épanouir aux rayons expansifs du plaisir qui passe rapidement, mais vivement, à travers les nuages de la vie ? Jean-Jacques Rousseau, Rêverie d'un promeneur solitaire, lu par Marion Malenfant dans le cours de l'histoire. Promenade aussi sur la symphonie en sol majeur de Carl-Philippe Emmanuel Bach, le fils de Jean-Sébastien, avec cette réflexion sur le bonheur et Rousseau. Guilhem Farrugia, le bonheur auquel pense Rousseau, c'est un bonheur individuel ou collectif, ou les deux? Alors, il y a une réflexion sur le bonheur individuel qui naît au XVIIIe siècle et qui d'ailleurs peut caractériser une grande part de la pensée du XVIIIe siècle, puisque c'est une notion qui remplace celle de salut et qui va avoir une fortune qui va proliférer et se répandre à tel point qu'elle va devenir une idée force transversale de la philosophie des Lumières. On a effectivement une réflexion sur le bonheur individuel chez Jean-Jacques Rousseau, et le bonheur est en effet un concept fédérateur qui permet de saisir et de réunifier les différents genres qui sont pratiqués par Jean-Jacques Rousseau, de la prose poétique aux écrits politiques, en effet. Et on a aussi, en effet, une réflexion sur le bonheur politique qui est mise en place chez Jean-Jacques Rousseau. Donc on a les deux dimensions du bonheur qui coexistent et qui peut-être peuvent être réunifiés par ce concept de fiction que j'ai travaillé, puisque Rousseau va, dans le champ politique, mettre en place une réflexion sur la religion civile, qui est une fiction sociale, et en même temps, dans le champ de l'expérience individuelle, intime, de l'intériorité, il va développer toute une réflexion ou une pratique de la fiction, définie plus seulement comme duperie, tromperie, mais comme construction imaginaire. Il va se créer des sociétés fictives qui vont lui permettre de créer la nouvelle Héloïse. Il explique très clairement que les fictions qu'il expérimente, il va finir par les écrire, les mettre en forme. Ça va donner naissance à la nouvelle Héloïse. Donc un concept de fiction qui permet de mettre en lumière la dimension littéraire et l'inventivité qu'elle génère. Il y a de la politique en fait dans cette démarche. Alors il y a effectivement de la politique dans ce... Je rebondis sur ce que disait ma collègue, puisqu'elle parlait de liens institutionnalisés qui sont créés par les réjouissances publiques. Et on a tout à la fin du contrat social une théorie de la construction sociale et politique des émotions. Rousseau parle des affections sociales et des sentiments de sociabilité que doit produire la religion civile à l'aide de cérémonies civiles qui vont créer, donner une dimension affective au lien social. Par conséquent, on doit générer plus seulement une contrainte, mais ce qu'il appelle un sentiment d'obligation, c'est-à-dire créer un attachement affectif à la loi, une manière d'aimer son pays, d'aimer la loi. Et ça, ce sont des sentiments qui peuvent être générés par des cérémonies qui seront publiques et civiles. Pauline Valade, ces réjouissances monarchiques que vous étudiez pour le XVIIIe siècle, le goût de la joie chez Champvallon, ces réjouissances ont un passé, ont une histoire. En quoi ces réjouissances du XVIIIe siècle sont très particulières? C'est parce qu'il y a toute cette réflexion aussi que l'on vient d'entendre avec Guilhem Farrugia? Alors oui, mais je pense que c'est aussi... les réjouissances du XVIIIe siècle résultent aussi, voilà, comme vous venez de le dire, d'un long processus de maturation politique, si je puis dire. Le premier feu d'artifice tiré à Paris a été tiré sur l'actuelle place des Vosges, qui était la place royale sous Henri IV. Et c'est un moment, par exemple, où on va vouloir, je passe sur le contexte, hein, mais où on va vouloir montrer à la population que le roi Henri IV, avec tout le passé qu'il a eu, pouvait monopoliser la poudre aussi bien pour faire la guerre, pour tenir ses sujets parisiens, que pour les réjouir. Et donc, finalement, ce que je viens de dire accompagne, enfin, si vous voulez, est un processus parallèle avec la construction de l'État moderne. C'est ça qui est intéressant et qui arrive à aboutissement quelque part au XVIIIe siècle. Et voilà, c'est pour ça que je parlais qu'il y a de ce processus de maturation où l'État moderne est construit, est solide. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas critiqué, bien évidemment, mais voilà, je pense que ce phénomène et cette exigence de l'émotion s'accompagnent de cette politique. Et nous parlions de fiction chez Rousseau, mais dans ces réjouissances monarchiques, il y a aussi de la fiction. Tout cela est fictionnel, c'est une mise en scène, c'est un spectacle, c'est une représentation idéalisée de la joie royale qui se propage dans toute sa population. Oui, tout à fait, parce que ça part d'un principe au XVIIIe siècle, hein, c'est pas exclusif à ce siècle, mais on est dans une monarchie de droit divin, et donc il y a le principe de ce qu'on appelle de conjouissance, c'est-à-dire que la joie du roi a des origines divines, puisque, pour reprendre un peu l'expression consacrée, le roi est le lieutenant de Dieu sur terre, donc tout ce qui lui arrive nécessite de remercier Dieu lorsque c'est heureux, bien sûr. Et si le roi ressent de la joie avec des origines divines, il est évident, en fait, par nature, que la population doit ressentir cette joie. Et donc, il y a une confusion, là aussi, des sentiments, une confusion dans le bon sens du terme, pour resserrer les liens entre les deux. Et tout est confusion, d'ailleurs, parce que vous parlez de cet attachement construit entre le souverain et son peuple. La mort du roi, tristesse peut-être, est aussi un moment de joie. Le Louis est mort. Le Louis est mort. Le Louis est mort. Vive le Louis, Louis! Le son fils le dauphin. Un Tédéum, parce que ce qui fait un roi de France est la mort du roi précédent. Tédéum, moment important aussi. Cet attachement à la monarchie, cette joie royale qui se transmet à la population, ne peut se comprendre qu'avec une lecture religieuse aussi. C'est essentiel. Oui, tout à fait. Ça rejoint ce qu'on disait à l'instant, le fait qu'on est dans une monarchie de droit divin. Et donc la première chose, la première manifestation d'ailleurs qui est exigée dans la lettre royale, c'est « Rendons grâce à Dieu à travers un chant de Tédéum qui sera chanté à la cathédrale Notre-Dame et ensuite dans toutes les églises paroissiales de Paris ». Parce qu'il s'agissait de remercier et d'être conscient de la source de la joie publique qui était royale et donc par définition divine. Donc cette dimension religieuse est très très importante. Cette dimension religieuse que l'on ne retrouve pas, ou moins, ou différemment, chez les philosophes. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans la réflexion sur Rousseau, parce que vous, Guilhem Farrugia, vous avez étudié particulièrement Jean-Jacques Rousseau, nous avons une définition du bonheur, mais qui laisse moins de place à la religion. C'est cette perte d'idée du salut que vous évoquiez. En fait, il faut bien remplacer ça par autre chose. Le bonheur, c'est pas mal. C'est ça. Alors, c'est une lorsque Saint-Just en 1793, 94, tout à la fin du siècle, monte à la tribune de l'Assemblée nationale, il va lancer « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Comment est-ce que le bonheur peut être une idée neuve alors même que c'est une idée ancienne qui existe dès l'Antiquité, mais peut-être davantage sous la forme du souverain bien ? On peut d'abord mettre en avant, en effet, qu'on passe d'une philosophie du salut à une philosophie du bonheur et que les philosophes des Lumières vont mettre à mal la conception chrétienne traditionnelle de la béatitude et du salut, puisque le salut désigne le fait d'être délivré de l'état de péché et de souffrance, ce qui suppose un bonheur des justes dans l'au-delà. Et on a des auteurs des Lumières, en premier lieu Voltaire, qui va déclarer « le paradis terrestre est où je suis ». Rousseau va déclarer « je souhaite être heureux dès cette vie ». Et par conséquent, on a des auteurs qui attaquent le pessimisme, par exemple, de Pascal ou la théorie du salut telle qu'elle était mise en avant auparavant, et qui vont mettre en avant cette idée neuve. Pourquoi idée neuve ? Parce qu'elle passe par une philosophie de l'individu, l'invention d'un sujet moderne, considérée comme entité affective, subjective, dotée d'une intimité. Et on peut considérer à ce niveau-là que le XVIIIe siècle est un tournant de cette idée de bonheur. Sans avènement de la notion moderne d'individu, pas d'idée moderne de bonheur. Quelle place pour l'individu, justement, dans ces réjouissances monarchiques où cette joie publique, l'individu s'exprime, Pauline Valade, ou doit-il entrer dans un moule ? Il doit respecter des codes qui lui sont imposés. Alors, l'individu ne doit pas être visible au cours des réjouissances monarchiques parce que c'est une joie qui se veut collective et donc toute initiative individuelle sera strictement interdite. On a un exemple assez rigolo de 1729 lors de la naissance du dauphin dont vous parliez juste au début de cette émission. On a un personnage qui est très connu de la population qui s'appelle le Grand Thomas. Très connu parce que c'est un ancien militaire, il a un passé un peu obscur, mais il arrache des dents sur le Pont-Neuf. Et donc il est très connu voilà de la population un peu flottante comme on dit du Pont-Neuf. Et lors de ces réjouissances en fait, il prend l'initiative d'organiser tout seul des réjouissances pour célébrer la naissance du premier fils de Louis XV. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va publier sur autorisation policière, c'est ça qui est intéressant, un avis dans lequel il dit que pour l'occasion, il va arracher les dents gratuitement pendant 15 jours, il va faire tirer un feu d'artifice sur le pont, donner un buffet de réjouissances, etc. Et donc au départ, la police laisse faire, un peu intriguée, un peu interloquée par cette initiative qui n'est absolument pas coutumière. Le problème, c'est que ce type d'initiative individuelle va à contre-courant du monopole royal de la joie publique. Et donc, c'est faire une sortie de route, finalement. Et c'est autoriser d'autres formes d'expression, même si, là, le grand Thomas reprenait les expressions consacrées, les manifestations traditionnelles, c'est strictement interdit. Et la preuve, le lendemain de l'annonce, en fait, la police débarque sur le Pont-Neuf en expliquant que c'est pas du tout possible, il faut ranger le feu d'artifice, il faut ranger le buffet. Et la population va être très mécontente de ça et elle va s'en prendre au grand Thomas en lui brisant les vitres chez lui, etc. Donc il va y avoir une incompréhension. Mais ce qui est sûr, c'est que toute initiative individuelle doit être interdite. Pauline Valade, dans Le goût de la joie, vous racontez aussi comment en 1788, des gens, alors ils sont difficilement identifiés parce que dans les documents que vous montrez, on dit que ce sont des gens mal vêtus. Donc c'est lourd de sens, des gens mal vêtus qui obligent les passants, c'est sur le Pont-Neuf, à saluer la statue du roi Henri IV. Alors là aussi, c'est formidable, 1788, on repense au bon roi Henri IV. Oui, alors en fait ce qui est intéressant, c'est que surtout à partir des années 1770, lorsqu'on va avoir un contexte politique de plus en plus tendu, pour le dire vite, il y a des conflits ou de très forts litiges entre la cour du Parlement justement et la monarchie. La monarchie essaie d'imposer certaines réformes qui sont jugées despotiques pour les magistrats. Les magistrats veulent se faire les porte-parole d'une certaine nation. Bon, tout ça est un petit peu compliqué, mais le contexte politique est de plus en plus tendu. Et ce qui est intéressant, c'est que pour critiquer ce gouvernement, critiquer le gouvernement de Louis XVI, on va avoir recours aux manifestations de joie qui ont toujours été inculquées à la population. Sauf que ces manifestations de joie, on va les détourner pour construire un discours non plus approbateur, mais un discours critique. Et donc, par effet de miroir, si je puis dire, pour critiquer Louis XVI, eh bien on va construire ou on va recourir au mythe du bon roi Henri IV, et la mythologie henricéenne va être très très vite réactivée. Et donc sur ce Pont-Neuf, il y a la statue d'Henri IV qu'on peut voir aujourd'hui. Et cette statue va devenir un peu un sanctuaire, une enclave du moins, de cette joie, non pas une joie citoyenne, on n'en est pas là, mais une joie qui est tout petit peu plus autonome, qui se manifeste en dehors des cadres établis et normalisés par la monarchie auparavant. Et voilà, on va illuminer les grilles autour de la statue, on va forcer les passants à descendre de leur carrosse de manière plus ou moins malmenée, et on va les forcer à s'agenouiller et à acclamer Henri IV. Donc on voit qu'on a un autre discours qui est en train de s'établir, tout en détournant les codes de la joie publique. Le XVIIIe siècle, le siècle de la joie, siècle des réjouissances, du bonheur, oui, mais pas seulement. Et c'est au XVIIIe siècle que, par exemple, cette vieille antinomie des pauvres et des riches est en train de disparaître. Au XVIIe siècle encore, on considérait qu'au fond, il y avait deux espèces d'hommes, les riches qui profitaient des dons de Dieu et les pauvres qui avaient reçu comme don de Dieu précisément la pauvreté grâce à laquelle ils allaient faire leur salut sur la terre. Eh bien, cette antinomie disparaît. Elle disparaît non pas du tout qu'au XVIIIe siècle, on conçoive que les pauvres doivent disparaître et devenir riches, mais on considère maintenant que pour le bon équilibre d'une société, il doit y avoir des pauvres qui travaillent beaucoup et qui consomment peu, et des riches qui consomment beaucoup et qui travaillent peu. À ce moment-là, l'unité riche-pauvre devient une sorte d'unité fonctionnelle à l'intérieur d'un équilibre social où l'homme en général s'accomplit. C'est Michel Foucault, le philosophe, qui s'exprimait dans l'émission Analyse spectrale de l'Occident en 1962, les riches, les pauvres et le bonheur. Ilhem Farrugia, justement au moment de réfléchir de la part de Rousseau à une société idéalisée, c'est des fictions qu'il se met en place. Quelle est la place laissée au possible, au réel, aux pauvres, aux riches? Le bonheur est quelque chose de très intime malgré tout. Alors en effet, on a un bonheur qui est considéré comme une idée. Rousseau, dans les fragments politiques, va se faire l'idée d'un peuple heureux. Et ce qui est intéressant dans la démarche rousseauiste précisément, c'est que dans un contexte où on passe d'une philosophie de l'absolu à une philosophie de l'histoire, puisque le bonheur va supposer de se dérouler dans le temps, reconstituer soit l'histoire d'un individu, soit l'histoire d'un peuple, Rousseau va être original et va déployer une méthodologie de la fiction de pensée, considérer ou se faire l'hypothèse de l'idée d'un peuple heureux. Et c'est une méthodologie de la fiction qu'il met en place, qui va lui permettre, par exemple, dans le second discours, de supposer un état de nature, un état qui n'a jamais existé, qui n'existe plus, qui n'existera probablement jamais, mais pourtant, c'est une hypothèse normative dont il faut avoir des notions justes pour bien juger de l'état présent. Par conséquent, la méthode rousseauiste est très originale à l'époque. Elle est d'une certaine manière une condamnation de la science historique telle qu'elle est pratiquée à l'époque et qui consiste à mettre en avant une construction de l'imaginaire, si vous voulez, ce qu'on appelle une utopie, de manière à se former l'idée d'un peuple en fonction duquel on va pouvoir apprécier l'état tel qu'il peut le constater, l'état présent. Pauline Valade, juste dites-nous, toutes ces réflexions de philosophes, quel regard ont-ils sur ces réjouissances monarchiques, cette joie publique complexe imposée par le pouvoir? C'est un moment critiqué? Alors, ce n'est pas nécessairement un moment critiqué. Par contre, ce que les philosophes de cette époque vont de plus en plus interroger, c'est l'idée d'approbation. Jean-Jacques Rousseau va parler d'un contrat social, mais je pense par exemple un peu avant à Diderot, qui va écrire un article intitulé « Si ma mémoire est bonne, l'autorité politique ». Et dans cette autorité politique, il parle des réjouissances. Et il explique que, d'accord, c'est tout à fait normal de se réjouir, très bien, mais en fait, quel est le sens de ces réjouissances? Parce que finalement, la population n'est appelée qu'à applaudir, qu'à acclamer, mais il ne faut quand même pas qu'elle perde sa capacité de jugement, sa capacité de critique, ce qu'elle ne fait d'ailleurs absolument jamais. Hein. On se réjouit, mais ça ne nous empêche pas de critiquer. Pour résumer, ce serait plutôt l'idée de cette approbation qui est interrogée dans l'idée on approuve le pouvoir, on l'acclame, mais il faut aussi en contrepartie que le pouvoir soit juste. Et alors évidemment, c'est une réflexion à la mi-temps du siècle qui va rester à l'ordre de réflexion et qu'on va retrouver de manière plus concrète, évidemment, à la Révolution française. Je pense que c'est pas du tout un hasard si Jean-Jacques Rousseau, dont on parlait tout à l'heure, va être récupéré par Robespierre un peu avant la Terreur, etc. Donc il y a une continuité de réflexion qui va être mise en application avant la Révolution. Mais avant, non. Oui, parce que danser, c'est aussi un acte politique. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés, la belle queue, voilà, ira les ramasser. Entrez dans la danse, voyez comme on danse, sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez. La belle queue, voilà, la ferons-nous danser, mais les lauriers du bois, les ferons-nous faner. Entrez dans la danse, voyez comme on danse. Nous n'irons plus au bois, la comptine du XVIIIe siècle. C'est Jean-Pierre qui chante ici, nous n'irons plus au bois. Pauline Valade, ces réjouissances monarchiques et cette joie publique est détournée, en fait, par ceux qui la vivent. Et c'est cela qui est passionnant dans le goût de la joie. Que se passe-t-il au XVIIIe siècle face à ces obligations de plaisir? Alors, ce qui va se passer, c'est que la population donc vient se réjouir parce que c'est un moment heureux dont il faut profiter. Néanmoins, la population, les sujets parisiens vont toujours conserver leur capacité de critiquer, sans jamais désavouer le pouvoir, hein, parce qu'on n'est pas avec une monarchie constitutionnelle ou autre, hein, pas du tout. On ne désavoue pas la monarchie, mais on la critique. On va la critiquer on la critique toujours plus ou moins, mais ça va s'intensifier à partir des années 1740, où la population va commencer à exprimer un chantage, et encore le mot est un petit peu fort, mais si le roi, par exemple, ne se comporte pas comme on exigerait qu'il se comporte, parce que c'est tout de même le roi, eh bien la population, et en particulier je pense aux dames de la Halle, qui sont des personnages très forts, qui représentent le menu peuple de Paris auprès de la royauté, expriment que si par exemple le roi entre dans Paris avec sa maîtresse, une maîtresse qui est détestée, notamment en 1744, les dames de la Halle préviennent les commissaires de police en disant « si c'est ça, personne ne sera aux réjouissances ». Donc il y a d'abord la menace de l'absence aux réjouissances. Bon, même si les réjouissances, on y va quand même un petit peu. Si on y va, par contre, on n'acclame pas. Et là, ça met une ambiance absolument glaciale et c'est fascinant à étudier parce qu'on voit à quel point la population les sujets restent libres, finalement. On les a mis dans des moules dont vous parliez tout à l'heure, on les a mis dans des cadres, on a normalisé leurs gestes, leur voix, etc. Mais ils conservent tout de même cette liberté d'acclamer ou pas. Et petit à petit, cette menace de ne pas être présent, bon, d'être présent finalement, mais de ne pas acclamer, ils vont jouer sur le silence. Et en jouant sur le silence, on va petit à petit, dans les années 1770, commencer à jouer avec les interdits. Par exemple, c'est strictement interdit depuis le XVIIe siècle, pour des raisons de sécurité et de risque d'incendie, de tirer des pétards ou des fusées. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire pour montrer qu'on veut bien se réjouir, mais on n'est quand même pas très content, on garde cet esprit critique, on va utiliser de plus en plus les pétards, les fusées, on va acclamer avec un petit peu d'ironie. Voilà, on va essayer de détourner petit à petit ces codes et ces normes de la joie, pour créer un discours critique. Oui, ce détournement, d'ailleurs, c'est aussi la posture de nombreux auteurs, de nombreux penseurs. C'est pouvoir être publié sans être censuré nécessite parfois d'utiliser des formes un peu de petits roublards. Guilhem Farrugia, juste dites-nous aussi comment se construit cette écriture autour du bonheur, parce que c'est surprenant de voir l'ampleur. Nous parlons de Rousseau. Bien sûr, Rousseau écrit sur le bonheur, mais Rousseau s'inscrit dans une pensée énorme autour bien de ces notions. Bonheur, liberté, lutte aussi contre l'absolutisme. En effet, on a une pensée du bonheur qui vise effectivement à libérer l'écriture, à libérer la pensée. En effet, on en parlait, la pensée du sentiment également. Et on a une pensée du bonheur qui va se déployer dans tous les domaines de l'écriture. On a avec Jean-Jacques Rousseau, mais plus globalement avec le XVIIIe siècle et le siècle des Lumières, le déploiement d'une pensée de l'anthropologie, d'une pensée de l'éducation. On a Jean-Jacques Rousseau qui, par exemple, va éduquer fictivement Émile, et qui va, je le cite, mettre en place une rêverie d'un visionnaire sur l'éducation. Et donc, avec cette fiction théorique, c'est-à-dire une production de l'imaginaire, c'est-à-dire une fiction qu'on ne définit pas comme tromperie, duperie, hein, c'est-à-dire c'est plus seulement l'antonyme de vérité, mais l'antonyme de réalité, on a des fictions de pensée qui vont permettre d'inventer alors l'anthropologie, on va inventer la science de l'éducation, et puis plus globalement on a aussi une fiction qui envahit le domaine existentiel. Et ce qui est intéressant, c'est que l'autobiographie, l'invention de la prose poétique va être imprégnée de cette théorie de la fiction, enfin cette fiction qui se répand dans les œuvres, mais comme dans les autres, pas seulement Rousseau, hein, dans les œuvres du XVIIIe siècle. Mon cœur est forcé de s'alimenter de fiction, déclare Rousseau. La fiction est devenue essentielle pour bien vivre. Lorsqu'il l'écrit, cela donne des lettres et un roman épistolaire qui va devenir le best-seller du XVIIIe siècle, La Nouvelle Héloïse. Et donc un tournant rousseauiste, je pense, qui révèle l'enjeu affectif, émotif, existentiel de la fiction, qui va permettre de vivre heureux. J'ai 100 fois plus joui de mes chimères qu'ils ne font des réalités. Oui, c'est ça. C'est fantasmer un monde, peut-être qu'il viendra. Ça, c'est aussi cette rêverie autour d'une utopie. Parce que l'utopie n'existe pas tant qu'elle n'est pas appliquée. Faut-il attendre la Révolution, justement, pour qu'il y ait des tentatives d'appliquer toutes ces pensées ? Alors, c'est le mouvement révolutionnaire qui va effectivement donner une importance massive et considérable à la lecture politique de Rousseau, mais pas seulement, hein, c'est ce que je souhaitais mettre en avant. Le bonheur est collectif, social, c'est une revendication politique. Le premier article de la Déclaration des droits de l'homme proclame que le but de la société est le bonheur commun. Donc à la fois une réflexion sur le bonheur, la félicité sociale, l'égalité de jouissance, qui vise donc à rendre les peuples heureux, qui se répand. On a ces expressions de bonheur commun, de félicité publique, de bonheur de tous dans la République, de bonheur général ou encore de bonheur de la nation. Et en même temps, c'est une construction imaginaire, une utopie qui ne peut être mise en place qu'à partir du moment où elle est imaginée. C'est là le parti pris de la méthode rousseauiste, supposer qu'il faut écarter tous les faits et déployer une réflexion théorique qui mobilise l'imaginaire. L'erreur en histoire serait d'expliquer sans cesse le pourquoi de la Révolution française quand nous nous situons au XVIIIe siècle. Parce que, vous l'avez bien dit, Pauline Dalade, les gens du XVIIIe siècle sont là, ils sont dans leur société. Ils n'imaginent même pas une société sans roi et un roi tel qu'il est. Mais toujours à la recherche des origines de la Révolution, parfois, il y a du silence. Ce matin, j'ai écrit à mes amis en Allemagne et à Bordeaux avant de me hâter l'après-midi chez M. Bachmann afin de ne pas manquer l'entrée de la reine. Car si l'on arrive trop tard, les voitures ne peuvent plus passer par le quai des Orfèvres. À peine avais-je fini mes observations que les personnes autour de moi sur le balcon commencèrent à se regarder avec étonnement en murmurant. Que se passe-t-il? Les rues sont pleines de monde et personne ne crie « Vive la reine !» Le silence était frappant, comparé aux acclamations entendues lors de l'entrée du roi. Un homme plein d'esprit me dit « Vous voyez là un trait de caractère du peuple qui a le courage de montrer son mécontentement. Il est accablé sans être soumis, comme le sont les grands. On en veut à la reine et on lui fait comprendre qu'on est venu pour la splendeur du cortège, non pour sa personne. » Marion Malenfant qui lisait cet extrait du journal d'un voyage à travers la France de Sophie von La Roche. Pauline Valade, vous commencez Le goût de la joie, votre ouvrage, avec cette autrice. Vous terminez aussi avec cette autrice. Ce silence en 1785 avec la reine Marie-Antoinette. Nous sommes là dans l'analyse très fine pour ressentir l'émotion toujours très dure en histoire et expliquer les mouvements populaires. Oui, ce qui se passe en 1785, la reine n'est pas encore totalement sortie de l'affaire du collier. Et il y a un désamour progressif qui s'installe entre la population parisienne et une certaine représentation de la royauté. Et ce qu'elle raconte en 1785 et cette stupeur de ce silence au passage de Marie-Antoinette est très fort parce que, alors sans perspective téléologique, sans dire que ça annonce 1789, pas du tout, mais ça montre bien à quel point, justement je parlais de maturité politique tout à l'heure, on est dans les années 1780. Il y a déjà eu de nombreux troubles depuis une quinzaine d'années. Là, on a une petite apothéose silencieuse, si je puis dire, où c'est cette capacité d'être là, de répondre à l'appel, mais de sélectionner ses manières de démontrer sa joie. Et c'est cette liberté du sujet qui est en train de se révéler de plus en plus. Sujet aussi passionnant, ces réjouissances monarchiques, hein, d'étudier de manière politique, en fait, oui, ces mouvements festifs. Merci beaucoup, Pauline Valade, Le goût de la joie, publié chez Champvallon. Et merci aussi, Guilhem Farrugia. Je rappelle, Bonheur et fiction chez Rousseau, c'est un classique Garnier. Mais pour le moment, dans le cours de l'histoire, la joie, mais authentique, est de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Connaissez-vous les quatre vieilles? Contrairement à ce que le titre de cette chronique pourrait laisser croire, je ne vous parlerai pas aujourd'hui de dames âgées. Les quatre vieilles, c'est le nom qu'on utilisait au XIXe siècle pour désigner les principaux impôts que les Français devaient payer à l'État. La Révolution française a mis fin au système fiscal de l'Ancien Régime. Preuve qu'il s'agissait là d'un enjeu majeur pour les révolutionnaires, la question de l'impôt a été inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée le 26 août 1789. En vertu des articles 13 et 14, tous les citoyens doivent payer un impôt proportionnel à leur richesse, mais cet acte civique doit être librement consenti. Pour rompre avec l'ancien système fiscal, les révolutionnaires ont décidé également de supprimer les impôts indirects, c'est-à-dire les multiples taxes que l'ancien régime imposait au peuple et qui étaient l'une des causes les plus fréquentes de révolte. C'est dans ce contexte qu'en 1790-1791, l'Assemblée constituante a adopté le principe d'une contribution assise sur les biens fonciers des citoyens propriétaires. Puis, les députés ont voté la contribution personnelle et mobilière, portant principalement sur le logement. La valeur du loyer de l'habitation du contribuable, devait permettre une évaluation approximative de son revenu. La contribution de la patente, qui vise les revenus industriels et commerciaux, est le troisième impôt adopté à ce moment-là. En 1798, le directoire a ajouté une quatrième contribution taxant les habitations selon le nombre de portes et de fenêtres, car ce nombre était considéré à l'époque comme un indice de richesse. Bien que Napoléon Ier ait rétabli beaucoup de taxes indirectes pour financer ses entreprises militaires, les quatre vieilles resteront le socle du système fiscal français jusqu'en 1917. Pourtant, dès le milieu du XIXe siècle, les inconvénients de ce système d'imposition ont été mis en évidence, le principal étant qu'il ne taxait pratiquement pas les richesses nées du développement d'un capitalisme industriel en pleine croissance. Alors que les pays voisins, notamment l'Angleterre et la Prusse, réformèrent rapidement leur fiscalité afin de l'adapter aux réalités économiques nouvelles, en France, il faudra attendre la Première Guerre mondiale pour éliminer les quatre vieilles. Parmi les raisons qui expliquent ce retard, il faut insister sur les conséquences sociales de la Révolution française. Pendant longtemps, les classes populaires ont été composées en majorité d'artisans et de petits propriétaires qui se considéraient comme des travailleurs indépendants et qui approuvaient les discours des élites libérales refusant l'intervention de l'État dans la société. Le système fiscal des quatre vieilles perdura durant tout le XIXe siècle parce qu'il ne donnait pas à l'État le droit de connaître exactement les revenus des citoyens ou de contrôler la déclaration de leurs revenus. La contribution sur le nombre de portes et fenêtres d'une maison fut perçue comme un impôt idéal, car il portait sur les signes extérieurs de richesse, ne taxant que les objets réels visibles, sans porter atteinte à la liberté du contribuable. Le thème de la liberté est resté jusqu'aujourd'hui l'argument majeur avancé par les citoyens qui refusent que l'État intervienne dans leurs petites affaires pour lutter contre les inégalités socio-économiques. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Jean-Frédérix. Une émission préparée par Anna Grimbach, Marion Dupont, Anne-Toscane Viudès, Jeanne Delecroix et Sophie-Catherine Gallet. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France, où vous retrouvez aussi le pourquoi du comment de Gérard Noiriel. France Culture. L'esprit d'ouverture.